Ça chante et ça danse, c'est comme un dimanche, on va s'amuser. Et sonne les cloches, sonne pour la noce, ils sont mariés. Maman se désole, papa la console, à chacun son tour. Et vive la fille qui perd sa famille mais gagne l'amour. Au dessert, on chante chacun sa romance, même grand-papa qui a fait la guerre là-bas en Bavière et qui n'oublie pas. Ein, zwei, ein Tag in Paris mit ein gross mademoiselle. Paris, Tour Eiffel und die Folie Bergère. Wollen Sie, Fräulein, promenade, caramel? Wollen Sie, Fräulein? Mais les petits amoureux, comme ils sont loin de tout ça, ils se caressent des yeux du bout des doigts. Quand nous aurons des millions, nous meublerons la maison comme celle du patron, petit patapon. Les belles servantes qui roulent des hanches passent les plateaux. Le maire écarlate défait sa cravate d'or, on a le cœur chaud. Monsieur le vicaire cherche une prière pour ces moments-là, tandis que grand-père trouve dans la bière l'écho d'autrefois. Hein, zwei, ein Tag in Paris mit ein gross mademoiselle. Paris, Tour Eiffel und die Folie Bergère. Wollen Sie, Fräulein, promenade, caramel? Wollen Sie, Fräulein? Mais les petits amoureux, comme ils sont loin de tout ça, ils se dévorent des yeux du bout des doigts. Nous ferons beaucoup d'enfants, et le premier, justement, avant qu'il ne soit longtemps, petit garnement. Voilà qu'il s'éloigne avec sa compagne, ils n'ont pas sommeil. Les célibataires et leurs cavalières feraient bien pareil. Là-haut, la fenêtre se ferme à la fête. Adieu, les petits. Tandis que grand-père, noyé dans sa bière, continue sa vie. Ein, zwei, ein Tag in Paris mit ein gross Chut, taisez-vous, monsieur. Chut, Paris, ich liebe dich.